الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous continuons l'explication de quelques hadiths des 40 Nawawi رحمه الله تعالى. Et le hadith d'aujourd'hui est le hadith numéro 28. عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Selon Abu Najih, Al-Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a exhorté d'une exhortation qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Alors nous dit, ô messager d'Allah, nous avons l'impression que c'est l'exhortation de celui qui fait ses adieux. Alors conseille-nous. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous conseille la crainte d'Allah, azza wa jal, et d'écouter et d'obéir à vos gouverneurs, même si c'est un esclave abyssin qui vient à vous gouverner. Et certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Tenez-vous-y fermement et méfiez-vous des nouveautés en religion, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Tirmidhi. Et il dit, c'est un hadith bon et authentique. هذا حديث عظيم وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة. Ce hadith est un hadith immense dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a exhorté ses compagnons d'une exhortation émouvante. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَتَخَوَّلُ أَصْحَابَهُ بِالْمَوْعِظَةِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم choisissait les moments opportuns pour exhorter ses compagnons de temps à autre. Al-wa'd wa huwa at-tadhkir bima yalin al-qulub ou bima yulayyin al-qulub. L'exhortation, qui est un rappel qui attendrit les cœurs. Donc l'exhortation, al-wa'd, Shay'un matloub, l'exhortation est quelque chose de requis. والتذكير بالله والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب. Et le fait de faire le rappel, de rappeler aux gens Allah, de leur rappeler le paradis, l'enfer, la résurrection. Tout ceci est demandé. Wal Qur'an maw'idha. Et le Coran lui-même est une exhortation. Kama qala ta'ala fi sourati Yunus. Qala ta'ala ya ayyuha an-nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ceux qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc l'exhortation est quelque chose de demandé. ويقول العرباض رضي الله عنه موعظة وجلت منها القلوب. يعني خافت. العرباض de ce hadith, il nous dit que cette exhortation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait, les cœurs en ont frémi, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dharafat minha al-uyun, yani bakat. Et les yeux en ont pleuré. Yani ils ont pleuré. Wa hadha min kamali wa'dhihi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'thirihi 'ala an-nas. Et ceci est dû à la perfection de l'exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la grande impact qu'elle avait sur les gens. Wa fi hadha bayan lima kana alayhi as-sahaba radiyallahu anhum min qabul al-wa'd wa at-ta'athur bih. Et là-dedans, il y a une démonstration de ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui acceptaient les exhortations et qui étaient émus par les exhortations, qui étaient touchés par les exhortations. بخلاف الذين يسمعون الوعظ ولا يتأثرون به. Contrairement à ceux qui écoutent les exhortations mais qui n'en sont pas touchés. هؤلاء قد قست قلوبهم. Ces gens-là, leurs cœurs sont endurcis. وأما التأثر بالوعظ فهو دليل على سلامة القلب من القسوة. Quant au fait d'être touché par les exhortations et d'être ému par les exhortations, ceci est une preuve. Ceci est une preuve que le cœur est sain et qu'il est préservé de la dureté des cœurs. وهذا من صفات المؤمنين. Et ceci fait partie des qualités des croyants. Le fait d'être touché par les exhortations. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ceux que nous leur avons attribués, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. ويقول الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes par ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en garde de la dureté des cœurs, il dit, comme dans la sourate, le fer. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. الله سبحانه وتعالى également dit, le moment n'est-il, dans la traduction rapprochée du sens des versets, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps trop long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. إذن التأثر بالوعظ دليل على سلامة القلب. Et donc, le fait d'être touché et ému par l'exhortation, ceci est une preuve que le cœur est pur et saint. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. Alors les compagnons, après cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ému les cœurs et qui a fait pleurer les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous avons l'impression que c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. C'est-à-dire, on dirait que ceci montre que ta fin est proche. لأن العادة أن الإنسان يوصي من خلفه إما عند سفره وإما عند موته. Car d'habitude, il est de coutume que l'homme exhorte ceux qui sont après lui, soit lorsqu'il va voyager, lorsqu'il part en voyage, ou soit lorsqu'il va mourir. Alors ils ont dit, Aousina, pas Aousina. Alors ils ont dit, conseille-nous. فقال صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit, أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit, je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir à vos gouverneurs, même si c'est un esclave qui vient à vous gouverner. Et certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, etc. jusqu'à la fin du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé ces choses-là. Il leur a recommandé ces choses-là. Awalan, taqwa Allahi azza wa jal. La première des choses qu'il leur a recommandé, c'est la crainte d'Allah. Bifi'li awamiri wa tarki nawahi, raja'an li thawabihi wa khawfan min iqabi. C'est-à-dire de faire ce qu'Allah a ordonné et de s'écarter de ce qu'il a interdit en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Athani, as-sam'u wa at-ta'a li wulati al-umur. La deuxième des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a recommandé et leur a conseillé, c'est d'écouter et d'obéir au gouverneur. D'écouter et d'obéir au gouverneur. Walahidhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara as-sam'a wa at-ta'ata li wulati al-umur ba'da dhikri taqwa Allah mubashara mimma yubayyin ahammiyat hadha al-amr. Et remarquez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'obéissance au gouverneur immédiatement après avoir cité la crainte d'Allah. Et ceci prouve l'importance de cette chose, l'importance de l'obéissance au gouverneur. لأنه في هذا جمع الكلمة. Car il y a là-dedans, dans le fait d'obéir au gouverneur, le fait d'obéir au gouverneur, ceci est une cause pour réunir la parole des musulmans. وفيه مصالح الدنيا والدين. Et également, ça contient beaucoup d'intérêts d'un point de vue mondain, d'un point de vue de la vie mondaine ou d'un point de vue de la religion. إذا اجتمعت الكلمة على إمام من أئمة المسلمين وقادهم فإن هذا يحصل فيه الخير كله. Si jamais la parole des musulmans est unie sur un seul gouverneur qui les dirige, eh bien, ceci amène beaucoup de bien. Et ceci amène l'union et préserve de la désunion et de la division. ويحصل فيه تنفيذ الحدود على العصاة. Et par là, on peut appliquer les sanctions religieuses sur les désobéissants. ويحصل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et par là, on peut appliquer l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. ويحصل فيه الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقطع النزاعات. Également, lorsqu'il y a un gouverneur, ceci permet de juger et de trancher entre les gens dans leurs divergences et dans leurs conflits et dans leurs litiges. ويحصل فيه الأمن على الأنفس والأموال والأعراض. Également, lorsqu'il y a un gouverneur, ceci est une cause de sécurité par laquelle sont préservées les âmes, les biens et les honneurs. ويحصل فيه خيرات كثيرة. Donc, dans l'obéissance au gouverneur et l'union sur un seul gouverneur, il y a beaucoup de biens qui en ressortent. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. Et c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم a conseillé d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Walakin bil ma'ruf. Cependant, il doit être obéi dans ce qui est convenable. Amma idha amara bi ma'siyah fa innahu la yuta'u fil ma'siyah. Par contre, s'il ordonne une désobéissance, alors, une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ordonne un péché, alors dans ce cas-là, nous ne devons pas lui obéir dans le péché. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, nous ne devons pas obéir à une créature qui nous ordonne de désobéir à Allah. Lakin la yanhallu amru. Mais ceci ne veut pas dire que ceci ne veut pas dire que nous devons délaisser tout ce qu'il dit. بل لا يطاع في هذه المعصية بذاتها ويطاع في غيرها من المعروف. C'est-à-dire qu'on ne doit pas lui obéir dans ce péché qui nous a ordonné. On ne lui obéit pas dans ce péché qui nous a ordonné, mais on lui obéit dans les autres choses autres que ce péché. Les autres choses qui restent dans le domaine du convenable. Donc ce n'est que ce péché-là. Lorsque le gouverneur nous ordonne un péché, nous n'obéissons pas à ce gouverneur dans ce péché, mais nous lui obéissons dans le reste des choses qui sont convenables. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, wa in ta'ammara alaykum 'abd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même si c'est un esclave qui vient à vous gouverner, وهذا من باب ضرب المثال. Ceci, c'est un exemple que le prophète صلى الله عليه وسلم nous donne. يعني لا يحتقر ولي الأمر مهما كان ولو كان عبدا. C'est-à-dire que nous ne devons pas dénigrer et rabaisser le gouverneur, quel qu'il soit, même si c'est un esclave. ما دام أنه ولي أمر المسلمين فلا يحتقر لشخصيته وإنما ينظر إلى منصبه وولايته. Donc tant qu'il est, du fait qu'il est gouverneur des musulmans, donc nous ne devons pas dénigrer sa personne. Nous ne devons pas le dénigrer à cause de sa personne, mais nous devons regarder la place qu'il a et le rang qu'il a, qui est le fait qu'il est le gouverneur, celui qui commande le pays. Madama tamma lahu al-amr wa n'aqadat lahu al-bay'a fa innahu tajibu ta'atuh. Du fait que celui qui détient la gouvernance dans le pays, et qu'il lui a été prêté serment d'allégeance, alors nous devons lui obéir. Et là, je précise, lorsqu'on dit qu'il lui a été prêté serment d'allégeance, c'est-à-dire que les grands du pays ont reconnu les grandes personnalités du pays, parmi les savants et parmi les politiciens et parmi les grands du pays, à partir du moment où ils ont reconnu cette personne comme gouverneur, eh bien, c'est cela qu'on appelle la contractation du serment d'allégeance. C'est lorsque les grands responsables du pays, parmi les savants et les politiciens, et autres parmi les grandes personnalités du pays, ont reconnu cette personne comme étant le gouverneur. Et donc le peuple, à la suite de ça, le peuple suit donc les savants et les politiciens et les grands du pays. طيب وحتى لو حصل منهم مخالفات لا تصل الى حد الكفر فانه يطاع. Même si il commet des péchés et des contradictions à la religion, tant que ça n'arrive pas au degré de la mécréance, eh bien, nous lui devons obéissance. لِمَا فِي طَاعَتِهِ مِنَ الْمَصَالِحِ. Car il y a dans son obéissance beaucoup d'intérêts et d'avantages. وَلِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَضَارِّ الْعَظِيمَةِ وَالْمَفَاسِدِ. Et à cause du fait, yani, nous devons lui obéir, car dans son obéissance, il y a beaucoup d'intérêts et d'avantages, et dans le fait de se rebeller contre lui, il y a beaucoup de méfaits. وهذا يعني وإن كنا نطيعه ولا نخرج عليه لما عليه من المخالفات لكن مع ذلك تجب مناصحته وبيان الحق له. Donc malgré donc que nous lui obéissons et que nous ne rebellons pas, que nous ne nous rebellons pas contre lui à cause de ses péchés ou de ses désobéissances, ceci ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas le conseiller et lui expliquer la vérité. La yuskatu anhu wa yutrak bal yunasah. Nous ne devons pas nous taire et le laisser faire ce qui contredit la religion, mais nous devons le conseiller. وقد جاء في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Et comme il est venu dans le hadith, la religion, c'est la sincérité. Nous dîmes envers qui? Il dit envers Allah, son livre, son messager, les gouverneurs musulmans et la masse des musulmans. Et parmi la sincérité envers les gouverneurs musulmans, le fait de les conseiller, de leur indiquer le bien, et de les encourager à le faire, et de les mettre en garde contre le mal, et de les prévenir contre le fait de le faire. وَهُنَا تَنْبِهِ. Il y a là une petite remarque à faire. وَهِيَا أَنَّ مُنَاصَحَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ تَكُونُ سِرِّيَّةً لَا عَلَانِيَّةً. هَذِهِ طَرِيقَةً أهل السنة والجماعة وطريقة السلف في مناصحة ولي الأمر بأنها تكون سرا لا علانية. Donc, cette remarque, c'est que la voie des salaf et des gens de la sunna et du groupe sauvé. Donc la voix des salafs et des gens de la sunna et du groupe sauvé en ce qui concerne la manière de conseiller le gouverneur, c'est que le conseil au gouverneur doit se faire en secret, en privé, non en public et devant la masse des musulmans. كما جاء في الحديث الحسن الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه به علانية وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith bon, Hassan, qui a été rapporté par Ahmed et le Hakim et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: quiconque a un conseil à donner à un gouverneur, qu'il ne lui en parle pas en public, mais qu'il le prenne par la main et qu'il s'isole avec lui pour le conseiller. S'il accepte, tant mieux, il aura accepté. Et s'il n'accepte pas, eh bien, au moins, la personne aura accompli son devoir. Donc, le conseil envers le gouverneur se fait en secret, en privé, et non en public. ومن هنا يتبين خطأ الذين ينصحون الحكام على المنابر في خطب الجمعة وفي دروسهم في المساجد والذين يتكلمون في ولاة الأمور في البيوت وفي المجالس الخاصة Et de là, donc, il apparaît l'erreur de ceux qui conseillent les gouverneurs en haut des minbars, en haut de leur chaire pendant les discours du vendredi. Ou alors dans leurs cours, lorsqu'ils donnent des cours ou des conférences, ils conseillent les gouverneurs en public. Il cite les erreurs des gouverneurs en public, ou alors lorsqu'ils se retrouvent dans des maisons à quelques personnes, ils sont là et en train de quoi de critiquer les gouverneurs. Tout ceci est une erreur. Et tout ceci contredit la voie des salafs, ceux qui critiquent ou qui rabaissent, ou qui citent les erreurs des gouverneurs sur les minbars, dans les discours du vendredi, ou dans les conférences, ou dans leurs cours, ou alors qui les conseillent en public, dans les discours du vendredi, ou dans les conférences, ou dans les cours. Tout ceci est contraire à la voie des salafs. Et celui qui fait cela a contredit la voie des salafs et a contredit les versets et les hadiths qui nous appellent à écouter et obéir les gouverneurs musulmans et à ne pas se rebeller contre eux. Car ceci rentre dans la rébellion contre les gouverneurs, le fait de les critiquer en public ou de les conseiller en public. Comme certains qui disent, lorsqu'il y a des guerres dans certains pays musulmans, certains, dans leur discours du vendredi ou dans leur cours ou dans leur conférence, ils disent, où sont les gouverneurs musulmans pour aider leurs frères? Où sont les savants? Ces gens-là on contredit la voix des salafs lorsqu'ils font cela, lorsqu'ils disent ces genres de paroles. Lorsqu'ils disent ce genre de paroles dans leur discours et dans leurs cours, ils contredisent la voix des salafs. Ils contredisent le hadith que je viens de citer. Et je pense qu'il est opportun de citer plusieurs hadiths en ce qui concerne l'obéissance au gouverneur, car malheureusement c'est un sujet aujourd'hui qui demande beaucoup d'explications. Car beaucoup de gens contredisent la voie des salafs et contredisent les hadiths dans ce sujet. Et c'est pour cela que j'ai choisi de prendre de citer plusieurs hadiths qui sont cités dans Sahih Muslim, dans le recueil authentique de Muslim. Je vais citer plusieurs hadiths et il vous apparaîtra clairement l'obligation d'obéir au gouverneur même s'il commet des grands péchés et l'interdiction de se rebeller contre eux même s'il commet des grands péchés tant qu'il reste musulman. فقال مسلم أو ذكر مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Donc selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque m'obéit a certes obéi à Allah, et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah, et quiconque obéit au gouverneur, il aura certes et quiconque obéit au gouverneur, il m'aura certes obéi. Et quiconque désobéit au gouverneur, il m'aura certes désobéi. Et Muslim dit également, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. Et également selon Abu Huraira, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: tu dois écouter et obéir au gouverneur dans la difficulté comme dans la facilité, dans ce qui te plaît comme dans ce qui te déplaît, et même si c'est un gouverneur injuste qui te gouverne. Et également, selon Ibn Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala al-mar'i al-muslim al-sam'u wa ta'a فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: le musulman doit écouter et obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il méprise, sauf s'il lui est ordonné un péché. Alors s'il lui est ordonné un péché, il ne doit pas écouter et obéir, c'est-à-dire dans ce péché. Et également, selon Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, قال, دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Et également donc, Ubad ibn Samit il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a invité à l'islam et nous lui avons prêté serment d'allégeance et faisait partie de ceux que nous a, et parmi l'engagement qu'il a pris de nous, c'est que nous lui avons prêter serment d'écouter et d'obéir au gouverneur dans ce que nous aimons et dans ce que nous détestons, dans notre facilité comme dans notre difficulté comme dans notre facilité, et même si ce sont des injustes qui nous gouvernent et que nous ne cherchions pas à concurrencer les gens dans la gouvernance, sauf si vous voyez une mécréance claire sur laquelle vous avez de la part d'Allah une preuve évidente. Et également, Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Vous verrez après moi des gouverneurs injustes et des choses qui vous déplaisent, des choses que vous réprimanderez. Ils dirent: Ô messager d'Allah, que nous ordonnes-tu? Qu'ordonnes-tu à ceux parmi nous qui vont rencontrer cela? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Vous leur donnez le droit qui leur revient. Ou plutôt, vous accomplissez le devoir qui vous incombe envers eux et vous demandez à Allah le droit qui vous revient. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innakum satalqawna ba'di athara, fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Et le prophète sallam également a dit: Vous verrez, vous rencontrerez après moi des gouverneurs injustes. Alors patientez et endurez jusqu'à ce que vous me rencontriez à mon bassin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: Isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma. اي نعم عفوا يعني في الحديث سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سألهم في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Donc سلم بن يزيد الجعفي رضي الله عنه a demandé au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il lui a dit: Ô messager d'Allah, si jamais s'ils nous gouvernent des gouverneurs qui nous demandent leurs droits et qui nous interdisent notre droit, que devons-nous faire? Que nous ordonnes-tu? Alors le prophète sallam s'est détourné de lui. Puis il lui a redemandé, et le prophète sallam s'est encore détourné. Puis il lui a redemandé encore. Alors là, un autre compagnon, Al-Ash'ath ibn Qais, l'a tiré par son vêtement. Et le prophète sallam, à ce moment-là, lui a dit: Écoutez et obéissez aux gouverneurs, car eux, ils seront jugés sur ceux qui leur a été car eux ils seront interrogés sur les choses dont ils sont responsables, et vous serez interrogés sur les choses dont vous êtes responsables. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ibn Abbas radiallahu anhuma, an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, a qal: Man kariha min amirihi shay'an fal yasbir alayh, fa innahu laysa ahadun min al-nasi kharaja min as-sultani shibran, fa mata alayhi illa mata mitatan jahiliyyah. Donc selon ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque méprise ou déteste une chose de son gouverneur, alors qu'il endure et qu'il patiente sur lui. Car il n'y a personne qui se rebelle contre le gouverneur de la distance d'un empan et qui meurt sans qu'il ne meure d'une mort ignorante. Et également, قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit également, quiconque sort Quiconque enlève une main de l'obéissance au gouverneur, c'est-à-dire quiconque sort de l'obéissance au gouverneur, il rencontrera Allah au jour de la résurrection sans aucune preuve. Et quiconque meurt et qu'il ne reconnaît pas son gouverneur et qu'il ne reconnaît pas l'allégeance de son gouverneur, il meurt d'une mort ignorante. Voilà quelques hadiths qui sont rapportés donc dans Sahih Muslim, dans le recueil authentique de Muslim. Donc ce ne sont que des hadiths authentiques qui montrent l'interdiction, ou plutôt l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur même s'il est injuste, et l'interdiction de se rebeller contre lui et de sortir de son obéissance même s'il est injuste. Et également, tout cela montre l'erreur qu'ont commise les peuples musulmans qui se sont rebellés contre leurs gouverneurs musulmans. Je dis bien contre les gouverneurs musulmans qu'il y a eu. Toutes les manifestations et toutes les rébellions et toutes les insurrections qu'il y a eu l'année dernière. Tout cela est contraire au Coran et à la Sunna, et contraire à la voie des salafs. طيب. الثالث اتباع السنة عند الاختلاف. Le troisième conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons dans ce hadith, c'est le fait de suivre sa sunna lors de la divergence. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Comme lorsque le prophète a dit, quiconque vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم وهو عالم من أعلام النبوة. Donc ceci est une information que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a donné, et c'est un signe de la véracité de sa prophétie. فإنه أخبر عن المستقبل وعن الشيء عن شيء لم يحصل بعد وهو الاختلاف وحصل كما أخبر. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a informé les compagnons de choses qui allaient se passer dans l'avenir, dans le futur, des choses qui ne s'étaient pas encore passées à son époque, c'est-à-dire la divergence, la grande divergence de la communauté. Et il est arrivé comme le prophète صلى الله عليه وسلم on avait informé ses compagnons, c'est-à-dire la communauté s'est divisée. فظهر الاختلاف في الأمة في الآراء وفي الأقوال وفي الأعمال. Donc la divergence est apparue dans la communauté, que ce soit une divergence dans les avis, dans les paroles ou dans les actes. وهذا موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et ceci est en accord, est en concordance avec ce qui a été authentifié du prophète صلى الله عليه وسلم, أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc je disais, il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et quant à ma communauté, elle se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un seul. Ils ont dit, quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est sur la même voie que moi et mes compagnons à ce jour. Donc la communauté s'est divisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cela. Ceci faisait partie du destin de la communauté musulmane qu'elle se divise en 73 groupes. Et de ces 73 groupes, il n'y en a qu'un seul qui sera sauvé. C'est le groupe qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses. Ce sont eux le groupe sauvé. Et donc, lorsque l'on entend des personnes qui viennent et qui disent « Arrêtez de diviser la communauté » et de dire « Un tel est Ikhwani, un tel est Tabliri, un tel est Salafi » il y a des gens qui disent « Ceci divise la communauté » et ces gens-là se trompent. Nous leur disons, tout d'abord, ceci est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinée, la division de la communauté. Ça, c'est la première des choses. Allah subhanahu wa ta'ala avait prédit et prédéterminé la division de la communauté musulmane en 73 groupes. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est une chose qui est indépendante de la volonté des hommes. Nous n'avons pas la capacité d'aller en l'encontre de cela. Nous devons faire des efforts pour éviter que ça empire. Nous devons faire des efforts pour éviter que ça empire et pour essayer de ramener le plus de gens à la voie droite, à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Mais quoi qu'il arrive, nous n'arriverons pas à éviter la division. Nous faisons les efforts, mais quoi qu'il arrive, c'est une chose qui a été écrite et prédéterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui est réellement le responsable de la division de la communauté? Qui est responsable de la division de la communauté réellement? Est-ce que ce sont ceux qui essayent de rester sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui appellent les gens à cela et qui interdisent aux gens de sortir de cela? Ou bien est-ce que les responsables de la division de la communauté, ce sont ceux qui sont sortis de la voie du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum, à cause de ce qu'ils ont innové comme croyance, ou comme adoration, ou comme méthode, dans le prêche. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, La communauté était unie. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait les musulmans, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul groupe. D'où le fait qu'il n'y avait pas besoin de dire, d'utiliser des termes comme Ahl Sunna ou comme As-Salafiyya. Il n'y avait pas besoin d'utiliser ces termes-là, vu que la communauté était unie, il y avait un seul groupe, et il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et lui ont succédé les califes bien guidés. Et à leur tête, le premier des califes bien guidés, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhuma, puis Omar radiallahu anhuma, radiallahu anhu afwan. Puis après lui, Uthman radiallahu anhu. Puis Ali, radiallahu anhu. Et pareillement, ces califes bien guidés, la communauté à leur époque, était unie autour d'eux. Et ils sont restés sur la même voie. Ils sont restés sur la même voie sur laquelle les avait laissés le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vers la fin du califat d'Uthman, radiallahu anhu, ont commencé à apparaître certaines personnes. Et à la fin de son califat est apparue la première secte en islam, la secte des Khawarij, qui a été fondée par Abdullah ibn Saba, qui était un juif yéménite qui s'est converti à l'islam par hypocrisie. Il s'est converti à l'islam pour semer la discorde entre les musulmans et pour diviser les musulmans. Et il allait dans les pays musulmans, il allait de pays en pays pour appeler les gens, pour appeler les musulmans à s'insurger contre Uthman, radiallahu anhu, à se rebeller contre Uthman, jusqu'à ce qu'il a créé un petit groupe. Et ce groupe-là est le groupe qui est parti assassiner Uthman, radiallahu anhu. Ce sont les premiers Khawarij. Donc, à partir de ce moment-là, la communauté a commencé à se diviser. Donc, ces gens-là, ce premier groupe-là, qui est sorti du groupe mère, le groupe des compagnons, radiallahu anhum, ils ont été les premiers à diviser la communauté. Puis après cela, est venu donc le califat de Ali, radiallahu anhu. Et ces mêmes Khawarij se sont rebellés contre lui également. Et contre Muawiya. Et également, à l'époque de Ali, radiallahu anhu, est apparue une deuxième secte. La secte des Rafidites. Et qui sont communément appelés chiites. Et vous savez qui était le fondateur de cette secte? Le même homme que nous avons cité précédemment, Abdullah ibn Saba. Donc Abdullah ibn Saba a créé la secte des Khawarij qui se sont rebellés contre Uthman et qui se sont rebellés contre Ali et Muawiya. Et il a créé également la secte des Rafidites, les chiites extrêmes, qui ont prétendu aimer Ali et qui ont mis Ali au degré de la divinité, au degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains d'entre eux l'ont mis au degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, une fois de plus, la communauté s'est divisée. Donc tous ces gens qui ont créé des sectes, qui ont créé des sectes, qui sont venus avec des croyances et avec des actes qui contredisaient l'islam et la sunna et la voie sur laquelle étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ont été la cause de la division de la communauté. Puis après cela, sont venus d'autres sectes encore, qui ont ramené aussi de nouvelles croyances et de nouvelles soi-disant adorations qu'ils ont attribuées à l'islam alors que l'islam n'en fait pas, alors que l'islam en est innocent. Donc est venue la secte des Qadarites, qui réfutait le Qadar, qui disait qu'il n'y avait pas de destin. Puis est venue la secte des Mourjites qui disent que les actes ne font pas partie de la foi et que les gens dans leur foi sont tous au même niveau. Et que peu importe les péchés que tu commets, ceci ne diminue pas ta foi et ne touche et n'a pas d'impact et n'a pas d'influence sur ta foi. Alors que la croyance des gens de la Sunna, c'est que la foi augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés. Comme ceci est explicité dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque époque, des sectes ont émergé et ont divisé la communauté par là. Et donc, les gens de la Sunna et les salafis, c'est-à-dire ceux qui suivent les salafs, lorsqu'on dit les salafs, on parle des pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, ce sont ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges lorsqu'il a dit Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs gens, ce sont ma génération, c'est-à-dire ses compagnons, puis celle qui vient après, c'est-à-dire les tabi'in, puis celle qui vient après, les tabi'in. Donc les trois premières générations de musulmans, ce sont les meilleures générations de l'islam, et ce sont eux que l'on vise lorsqu'on utilise le terme salaf. Et celui donc qui se dit salafi, avec un i à la fin, en arabe un yé, c'est pour s'affilier à ses pieux prédécesseurs. Pour dire qu'il suit le chemin de ses pieux prédécesseurs, le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous ceux qui les ont suivis convenablement. Donc, pour revenir à ce deuxième point, je dis que ceux qui sont responsables de la division de la communauté, ce sont ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des nouvelles croyances et des nouveaux actes. Avec des nouvelles croyances et des nouveaux actes qu'ils ont attribués à l'islam, alors que ces choses-là ne font pas partie de l'islam. Donc ce sont eux qui sont responsables de la division de la communauté, car il est une obligation pour tous les musulmans de quoi? De suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés, comme il est cité dans ce hadith. Et les califes bien guidés, ce sont les quatre califes que nous avons cités, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc nous n'avons pas le droit de sortir de la voie du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum. Et celui qui sort de la voie du prophète et des compagnons, radiyallahu anhum, soit en ramenant une croyance innovée, ou soit en amenant une adoration innovée, ou soit en amenant une parole dans la religion innovée, eh bien cette personne-là, c'est lui qui a divisé la communauté, car c'est lui qui est sorti du groupe mère. Non pas ceux qui appelle à revenir au groupe mère. Le troisième point, en ce qui concerne donc ces appellations, lui c'est un ikhwan, lui c'est un tablir, lui c'est un salafi, lui c'est un soufi, lui c'est un ash'ari, lui c'est un murji, lui c'est un tekfiri, etc., etc. Toutes ces appellations elles sont là pour distinguer elles sont là pour distinguer pour faire la distinction au début lorsque la division était petite il suffisait de dire Ahl Sunna sunnites. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes, donc les Khawarij et les chiites. Donc les Kharijites et les chiites, lorsqu'ils sont apparus, les compagnons radiallahu anhum ont utilisé le terme de Ahl Sunna, les gens qui suivent la Sunna. Pourquoi? Parce que les Khawarij et les chiites, eux ne suivaient pas la Sunna. Puis, il est arrivé que parmi les gens de la Sunna, parmi les gens de Ahl, qui se disaient Ahl Sunna, certains ont rapporté d'autres innovations encore. Comme les Murjites, comme les Ash'arites, comme les Mu'tazilites, etc. Taïb. Tous ces gens-là, ils se disaient Ahl Sunnah. Comment donc pouvions-nous faire la distinction entre les vrais Ahl Sunnah et des faux Ahl Sunnah? Donc, à chaque fois, les savants de l'islam qui suivaient la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, les vrais Ahl Sunnah, à chaque fois, ils apportaient de nouvelles appellations qui permettaient de distinguer. Et ils donnaient des noms aux sectes égarées, afin quoi? Afin qu'on sache, voilà, telle secte, les Ash'arites, pourquoi on les appelait Ash'arites? Parce qu'ils suivent Aboul Hassan el-Ash'ari avant qu'il se repente. Sur la voie sur laquelle il était, avant qu'il se repente et qu'il revienne à Sunna. C'est-à-dire, il reniait les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reniait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaissait les noms, mais reniait les attributs. Puis après cela, il est passé au stade de يعني أقرب ما يكون إلى المذهب الكلابي. Il a été ensuite donc dans la voie de quoi des Kullabites, qui était une secte attribuée à un homme qui s'appelait Ibn Kullab. Et pareillement, ils reniaient certains attributs. Puis après, il arrivait au stade de Ash'arite. Il reniait certains attributs et en attribuait quelques-uns. Puis après, il s'est repenti et il est revenu à la Sunna. D'une manière globale. Donc les Ash'arites, on les attribue à cet homme-là, la voie sur laquelle il était avant qu'il se repente et qu'il revienne à la Sunna pure. On prend les Khawarij, ils ont été appelés Kharijites. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis sur le gouverneur. Ils se sont rebellés contre le gouverneur. El-Khuruj al-Hukam. La rébellion. Envers les gouverneurs. Tu prends la secte des Mourjites, ils ont été appelés Mourjites. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait El-Irja, qui est quoi? Qui est le fait de quoi? De retarder et de sortir les actes dans la définition de la foi. Tu vas prendre la secte des Jahmites, ils ont été appelés Jahmites par attribution ou par affiliation à leur fondateur qui est Jahm ibn Safwan, etc., etc. Les Qadarites, ils ont été appelés Qadarites. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié, ils ont nié le Qadar, le destin. Donc les sectes, à chaque fois qu'une secte apparaissait, les ulama lui donnaient un nom afin de la distinguer pour savoir qui sont les gens de la Sunna réellement, les gens de la Sunna pure. Et le terme salafi est un terme qui permet de quoi? De distinguer. Et ikhwani, ça permet de distinguer, car Hassan al-Banna, lorsqu'il a fondé la secte des frères musulmans, Ikhwan Muslimin, donc tous ceux qui ont suivi sa voie, on les a appelés Ikhwani. La secte des Tablir, parce que lorsqu'ils ont fondé leur groupe, Mohamed Ilyes, lorsqu'il a fondé ce groupe, il l'a appelé Naam, Jama'atud Da'wa wa Tablir. Donc ils ont été appelés Tabliri. Et ainsi de suite. Donc ceci est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété et prédestiné que la communauté allait se diviser, donc nous ne pouvons y échapper. Deuxièmement, ce sont ceux qui sortent de la voie du prophète et des compagnons qui sont les responsables de la division de la communauté. Et de trois, vu donc qu'il y a cette division, il est une obligation de quoi? De distinguer chaque groupe et chaque secte, afin que les gens, celui qui recherche la vérité, puisse la retrouver. Et chaque secte a été appelée selon une caractéristique, soit par rapport à son fondateur, ou soit par rapport à un acte par lequel ils se sont démarqués des autres sectes, ou soit par rapport à une croyance par lesquels ils se sont démarqués des autres sectes. Quant au salafi, comme nous avons dit, c'est celui qui suit la voie des salafs. Et les salafs, ce sont les pieux prédécesseurs et à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ceux que nous devons suivre, comme dans le hadith que nous avons cité précédemment, tous iront en enfer, ces 73 groupes, tous iront en enfer, sauf un seul. Lorsqu'ils lui ont demandé quel est ce groupe, au messager d'Allah, il a répondu, ce sont ceux qui me suivent, moi et mes compagnons. C'est le groupe qui est sur la voie que je suis, moi et mes compagnons. Donc nous devons suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna et la voie des compagnons. Car les compagnons ne suivaient rien d'autre que la sunna. Et ils avaient la compréhension exacte et pure de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète a rajouté cette indication. Il ne s'est pas contenté de dire ce sont ceux qui me suivent, mais il a dit ceux qui me suivent, moi et mes compagnons. Comme dans ce hadith, il ne s'est pas contenté de dire ce sont accrochez-vous à ma sunna, mais il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés, qui sont Abou Bakr, Omar, et Othman et Ali. Tout cela pour nous montrer l'importance et l'obligation de suivre les califes bien guidés et de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la compréhension de la religion et dans son application. Car beaucoup de gens prétendent suivre la sunna. Beaucoup de gens prétendent, ils vont te rapporter des hadiths, ils vont te rapporter des versets du Coran, ils vont te dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut croire. Mais comment sait-on que cette croyance ou cet acte est correct, ou ce comportement est correct? Nous devons regarder comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à leur tête les califes bien guidés, comment ils ont compris ces textes et comment ils les ont appliqués. Est-ce que cette croyance a été rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis convenablement? Est-ce que cet acte a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis convenablement? Est-ce que ce comportement a été rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis convenablement. Inch'Allah, je terminerai l'explication de ce hadith demain et nous terminerons demain, Inch'Allah, ce sera le dernier cours, bi'ivnillahi ta'ala. Donc, dans le dernier cours de demain, Inch'Allah, je terminerai l'explication de ce hadith et j'expliquerai également le hadith numéro 40. Le hadith numéro 40, qui est un hadith qui est court, mais qui est plein d'enseignements également. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette série de cours pendant ce mois du Ramadan. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne et nos prières de nuit et nos invocations. Wa nas'alullah azza wa jal an yarzuqana al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et les actes pieux. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.